Chapitre 9e, la petite Donatienne. Depuis 8 ans, elle avait quitté son mari, ses enfants, la closerie de Rogrignon, au pays de Ploëc, pour servir à Paris. Et il y en avait 7 depuis que Jean Louarne, à cause d'elle, désespéré, son bien vendu, son cœur trahi, s'était jeté hors de la Bretagne et avait pris la route de Vendée, celle qui mène partout. Dans le café qu'elle tenait à présent et qui portait son nom, à la petite Donatienne, un café de banlieue au coin d'une rue de Levallois-Perret, un client laissait refroidir le bol de chicorée qu'elle venait de poser devant lui. Ce n'était pas un habitué. Les deux coudes sur la table, la tête avancée au-dessus du bol dont la fumée caressait son menton rasé et les lourdes moustaches déteintes qui cachaient ses lèvres, il regardait devant lui en remuant machinalement le liquide noir avec la cuillère. Tous les muscles de son visage étaient détendus. Il se reposait. Ses yeux, qui recevaient la lumière d'en face, ses yeux verts luisants d'un vague sourire, fait de l'absence de préoccupation et d'un sentiment de bien-être, regardaient fixement la brume par-dessus les petits rideaux qui voilaient le premier rang des vitres de la devanture. Cependant, il se croyait obligé de parler quelquefois, par préjugé populaire hérité des vieux temps charitables, par politesse pour l'hôtesse de hasard, inconnue et qui ne se trouvait pas même dans l'orbe de sa vision. Elle se tenait dans la partie gauche de la pièce, assise à contre-jour, touchant presque le vitrage qui séparait la salle d'avec la rue, et elle tricotait une paire de bas noirs, chose qu'elle avait fait toute sa vie, depuis les temps lointains, aux petites coureuses de grève, en la paroisse d'Iffignac. On la voyait parmi les femmes qui, chaque jour, attendaient la mer montante et le retour des voiles éparpillées au large. Elle faisait ce travail sans y penser. Cela s'arrêtait et se reprenait silencieusement. Elle n'avait pas plus l'esprit à son tricot que le client n'avait le sien dans les brouillards de la rue. Elle songeait que ce client l'ennuyait, qu'il mangeait trop lentement, qu'elle aurait dû être sortie déjà pour les provisions du matin. Les laitiers revenaient avec leur peau de fer blanc vide. Quand elle levait les yeux vers l'homme, elle remarquait qu'il avait la peau gercée par le vent des échafaudages, et au creux de ses rides, des traces de chaux qui tombaient parfois et s'abîmaient dans le café que la main agitait. Ni l'un ni l'autre, ils ne se hâtaient de répondre, et cependant, ces mots qu'ils échangeaient si mollement et sans goût les amenaient inconscients à un moment tragique de la vie. « Comme ça, disait Donatienne, vous allez vous en retourner dans votre pays ?»« Oui, répondait le maçon, puisque novembre arrive, pour nous c'est la morte saison. » Jusqu'au mois de mars, on sera Limousin. Vous connaissez peut-être Jean Siou ? Non, je ne quitte pas Paris, moi, jamais. C'est joli chez vous ? Pas trop. Et puis, quand personne ne vous attend, vous savez, les pays, ce n'est jamais très beau. Elle bâilla, fit cette ouïe maille, et ne répondit pas, ayant le désir que le client s'en alla. Celui-ci pencha la tête, qu'il avait couverte d'un feutre dur, leva le bol dans ses deux mains et but une gorgée. Ça n'est pas beau, reprit-il, mais c'est le pays. On retrouve au moins des connaissances. On apprend qu'il y en a qui sont morts pendant notre campagne d'été, d'autres qui se sont mariés, d'autres qui sont nés. Quand je reviens, moi, on m'attend toujours pour être parrain. Je ne dis pas non, fit l'hôtesse. Des Marie, des Julia, des Hortense, des Pierre, des Constant, des Léonard, comme de juste, il y en a tous les noms chez nous dans la Creuse. Il se mit à rire tout seul, puis à souffler sur le café. « Je connais même, figurez-vous, un petit gars qui s'appelle Joël. » Et il rit de nouveau. La femme s'est élevée subitement. Petite, agile, habillée de noir, elle venait, son tricot dans une main, les yeux droits devant elle et ardents. Elle n'avait plus son air d'ennui, mais ses joues encore fraîches, fendillées de 1000 petites rides au bas des paupières, étaient devenues toutes rouges. « Répétez pour voir ? » demanda-t-elle. L'homme voulut prendre la main qui tenait le tricot et qui se tendait pour commander. Mais elle la retira d'un mouvement d'impatience. « Laissez donc. »« Faites pas attention, ma belle, c'est pas pour vous offenser. »« Eh bien oui, j'ai rencontré un gamin qui s'appelle Joël. »« Quel âge ? » ?»« 8 ou 9 ans. »« Frisé ? » ?»« Je ne me rappelle pas. » »« Gentil. » »« Bien sûr, comme les autres. » Donatienne le saisit par le bras. « Regardez-moi donc, il faut vous rappeler. Ce nom-là m'intéresse, moi. Vous voyez, ça me fait quelque chose que vous l'ayez dit. » « J'ai connu un enfant qui s'appelait de même. Où habite-t-il, le vôtre ?»« Pas tout près de Jean Siou, qui est mon endroit. Peut-être à 5 ou 6 lieues sur la route de retour. Je ne sais pas bien le nom. À un tournant de la grande route. Nous l'avons vu en passant lorsque nous sommes venus en mars avec un de mes compagnons. Nous allions à pied pour prendre le train. Je me rappelle une manière de petit jardin entouré de haies, avec des souches de peupliers. Le gamin jouait là-dedans. Mon compagnon me l'a montré et m'a dit « Il s'appelle Joël. C'est le fils d'un homme qui travaille aux carrières là-haut. Il paraît que c'est venu de Bretagne. » Il eut un cri étouffé. « Bretagne ? Vous êtes sûr qu'il a dit Bretagne ? Ah, il ne faut pas me mentir. Vous ne le feriez pas. J'ai besoin de savoir. Ne me trompez pas. » Sa main tremblait sur le bras du maçon. « Il avait à côté une petite sœur, n'est-ce pas ? Une grande, plutôt. Et pas laide, bien sûr. Un peu comme vous. Grande, vous dites ? Assez. Des yeux jolis, luisants comme de l'eau qui remue. « C'est Noémie, » fit la femme avec une voix de rêve et comme si elle la voyait. « Noémie. Et avec elle ? D'autres enfants ? Oui. Je n'ai vu qu'un moutard. Une fille ? Non, un garçon. Il était en culotte, je suis sûr. » Donatienne changea de visage. « Ce n'est pas eux, alors. J'avais cru... ce que c'est que les idées. » Elle lâcha le bras de l'homme. Une émotion dont elle n'était plus maîtresse l'étreignait, et son cœur, sous ce double coup de la surprise et de la déception, s'ouvrit malgré elle à cet inconnu. Elle était si malheureuse d'avoir espéré en vain, si fortement tirée hors de sa vie ordinaire, qu'elle dit « Au premier moment, j'ai pensé que j'allais retrouver les miens. J'ai eu trois enfants, moi, qui vous parle, et je ne sais plus où ils sont. Plus. Comprenez-vous ? Le plus petit s'appelait Joël. » Mais je n'avais que lui de garçon, et les autres avaient nom Noémie et Lucienne. Je suis trop prompte à me faire du tourment, n'est-ce pas ? Elle retira le bout de ses aiguilles qui traversaient le tricot, et elle se recula, en essayant de rire, tandis que l'homme buvait, en la considérant par-dessus le bord du bol. Il avait devant lui un mystère de chagrin, cela le troublait. Il souffrait de cette peine obscure et toute voisine, une mère, des enfants... Il les voyait jouer ensemble, et puis l'abandon. Pour rien au monde, il n'eût voulu l'interroger, mais il se rappelait des histoires pareilles, et une pitié vague lui prenait toute l'âme. Il buvait lentement, pendant que Donatienne, les yeux baissés sur son ouvrage, les paupières battantes, tricotait au hasard, et se retira vers la place qu'elle occupait auparavant. Elle sentait cette pitié qui l'enveloppait. Elle demanda « Vous travaillez dans le quartier ?»« Non, madame. » « Je suis ici rapport à l'entrepreneur qui m'a envoyé faire une commission chez son marchand de plâtre, mais je connais plusieurs de vos amis, et ils m'ont parlé de vous. »« Il ne s'agit pas de cela. Seulement, puisque vous allez passer un temps chez vous, informez-vous tout de même de ce Joël. Vous me reviendrez dire la réponse au printemps, voulez-vous ?»« Pour sûr, je reviendrai, madame Donatienne. Ça ne me coûtera guère de revenir. » Dans la poche de son gilet, il chercha 5 sous qu'il jeta sur le marbre de la table. Il redevint l'insouciant tâcheron de chaque jour. C'est drôle tout de même, hein, la patronne, d'avoir jusque chez nous, dans la Creuse, de la graine de gueute chez vous, puisqu'il paraît que vous êtes bretonne. Sans rancune, n'est-ce pas ? Au revoir. La longue blouse blanche traversa la salle. Les épaules de l'homme, sa tête aux poils courts, que cachait presque entièrement le chapeau de feutre taché de chaux, s'encadraient entre les montants de la porte, puis parurent encore un instant dans la brume de la rue, à droite, au-dessus des petits rideaux de la devanture. Enfin, Donatienne, qui avait suivi des yeux ce fantôme diminuant, le vit disparaître et s'abîmer dans le Grand Paris. Elle continua de regarder l'endroit où elle avait cessé de le voir. Le passage d'une voiture, dans le jour laiteux, brisa l'image qui survivait. La femme fronça les sourcils, d'un air impérieux et mécontent, comme elle faisait autrefois, quand elle était petite, pour faire céder ses parents. Eux, ils cédaient toujours, mais la vie n'obéissait pas comme le père et la mère. Donatienne entra dans une seconde pièce, au fond, qui était une cuisine étroite, prit un panier, revint dans le café, et allait sortir, et déjà elle touchait la poignée de cuivre de la porte, quand derrière elle, une voix grasseyante demanda « Est-ce que tu as oublié le patron, par hasard ?» La figure mobile de la femme eut de nouveau un pli d'impatience, mais voulant sortir et désireuse d'échapper à une explication, Donatienne dit rapidement « Ton café sur le fourneau, tu n'as qu'à le prendre. » « Il en a bu pourtant, le client. C'est le mien que j'ai donné. Allons, va te recoucher. » Elle avança la main vers la poignée de cuivre. « Halte !» Un homme sortit de la pièce voisine et s'avança, le teint pâle, ayant sur le visage ce mélange d'hébétude et de colère fréquent chez les alcooliques. « Halte là, je te dis !» Il traînait sur le plancher des pantoufles de cuir rouge éculées. Il n'était vêtu que d'un pantalon d'honorable foncé, liseré de jaune, et d'une chemise de nuit bouffant par-dessus la ceinture et dont le col, déboutonné, laissait voir un cou sanguin, épais, où la pulsation des artères remuait la peau tendue. Assurément, il avait été un bel homme autrefois, mais la paresse l'avait alourdi. Sa face rasée, aux sourcils courts et blonds, était trop ronde. Les mains, couvertes de poils jaunes, étaient trop grasses, et les paupières tombaient sur des yeux où la pensée vacillait et luttait avec le sommeil. « Qu'as-tu encore à me dire ?» demanda Donatienne. Il croisa les bras. « Je voudrais savoir ce que tu disais au client. Ta jalousie qui te reprend alors ? Peut-être. Jaloux de ce gâcheur de sable ?» Elle se mit à rire, plus haut et plus vite qu'elle n'en avait envie, nerveusement, et une seconde, sur ce visage moqueur, dans l'attitude de cette femme irritée et méprisante, dans le mouvement de cette tête qui avait gardé la ligne pure de ses attaches, l'image de la très jolie Bretonne d'autrefois passa. Oui, tu te penchais, comme ça, tu l'écoutais, tu lui prenais le bras. Ne dis pas le contraire, je t'ai vu du haut de l'escalier. Elle leva les épaules. Voilà donc que je vais te rendre compte de mes paroles à présent. Ah, mais non! Est-ce que nous sommes mariés, dis? Est-ce que tu le crois? Que te disait-il? Cela me regarde. Donatienne! Il fit le geste de prendre une chaise pour l'en frapper. Alors Donatienne laissa tomber le panier, courut droit à celui qui la menaçait, et se dressa tout contre lui sur ses petits pieds, la tête levée, combative et haineuse. « Eh bien, tape donc » cria-t-elle. « Qui t'empêche? Tue-moi donc, pour ce que la vie est belle avec toi. Je la déteste, entends-tu? Et toi aussi, tu peux y aller, qu'attends-tu? Ne te figure pas que je vais t'obéir et te rendre compte de mes paroles à toi, un homme que je fais vivre. » Elle avait les traits creusés par la colère. La femme lasse et flétrie qu'il serait bientôt apparaissait maintenant. Au coin de ses lèvres entrouvertes, une dent manquait. Les autres dents étaient blanches et fines et luisantes. Et les yeux aussi luisaient, comme des crêtes de vagues qui écument. Elle répéta « Oui, que je fais vivre !» L'autre, à ce dernier mot, qui portait juste, essaya de répondre « Il n'y a pas de travail, tu le sais bien !»« Non, il n'y en a pas pour les lâches !» Violente, d'autant plus qu'il cédait, elle continua « Je te répète que je suis lasse de toi et que tu ne m'as pas en ton pouvoir et qu'un jour je te le montrerai. » Il répondit en ricanant « Tu es trop vieille. Pas pour m'en aller d'ici. » L'homme ferma demi les yeux et dit entre ses dents « Où irais-tu donc ?» Il y eut un silence pendant lequel chacun médita la force de cette question « Où irais-tu » et la grande difficulté où ils seraient de vivre hors de leur péché et de se lâcher l'un l'autre. Donatienne se sentit tomber dans la basse suggestion où elle vivait. Elle ne continua pas la discussion, se détourna et sortit. Elle était irritée. Elle était plus malheureuse encore qu'irritée lorsqu'elle se trouva dehors, ayant devant elle les maisons de Levallois et dans l'esprit le dessein tout présent de ses courses qu'elle allait faire et après lesquelles il lui faudrait rentrer. Elle avait dépassé l'âge où l'on s'étourdit aisément et bien qu'elle évitât les occasions de se souvenir ou de prévoir, il y avait des circonstances où elle entrevoyait le fond triste de son âme. Jamais peut-être elle ne l'avait vu aussi nettement que ce matin. Cette conversation inattendue avec le maçon de la Creuse, cette dispute avec son amant, quelles évidences de misère, quel dur rappel de la solitude qui avait toujours été son mal depuis le jour. Dans la brume, souillée de fumée, bue et revomie par les égouts, par les bêtes, par les gens, et qui avait essuyé les toits et les murs avant de tomber sur les trottoirs, elle allait, la tête basse, et elle n'entendit pas la crémière qui demandait « Vous ne prenez pas de lait, madame Donatienne ?» ni la fruitière d'à côté qui lui disait bonjour. Une jeune femme chargée de 3 enfants, et qui, vivant difficilement, enviait quelquefois la maîtresse du café, qui était sans charge de famille et passait pour riche dans le quartier. Donatienne marchait au hasard, ayant toutes les puissances de son âme repliées sur elle-même, contre son habitude, et occupée d'une seule pensée, celle de ses enfants. Elle avait toujours souffert à leur sujet. Dans les premiers temps, lorsqu'elle eut quitté Rogrignon, elle pleurait en nommant dans son cœur Noémie, Lucienne, Joël, ce dernier surtout, qu'elle allaitait au départ, et que son nourrisson de Paris lui rappelait. Elle se souvenait de la douceur de ses petites lèvres, formées de sa substance et de son sang, et qui continuait de lui demander la vie et qu'elle pressait contre son sein. Ah, s'il avait été là, lui, Joël, l'enfant donné par Dieu, si elle avait pu embrasser les autres, seulement tous les deux jours, seulement toutes les semaines, elle sentait que ses petits l'eussent protégée contre le plaisir qui la tentait, contre la nouveauté corruptrice, contre l'exemple. Plusieurs fois, elle s'était écriée, en secret, au premier remords, quand il n'y a eu encore que des pensées à demi conscientes, « Mes petits, sauvez-moi !» Mais ils étaient trop loin, et l'enfant qu'elle nourrissait, et qui n'était point elle, n'avait pas cette puissance protectrice, et le danger enveloppait de toutes parts cette pauvre femme de Bretagne, qui n'était pas préparée contre tant d'ennemis. Les femmes de service qui l'entouraient, dans la première place où elle était entrée, rue de Monceau, n'étaient pas toutes perdues de mœurs. Mais elles étaient toutes libres de langage et habituées à ne faire aucun cas de ce que Donatienne considérait comme une faute. Celles qui n'avaient pas d'amant disaient, répétaient, que l'unique motif de leur conduite était la facilité plus grande qu'elles auraient de se marier. Elles ne respectaient aucune action en soi et jugeaient seulement du profit qu'on en pouvait tirer. Plusieurs avaient plus d'esprit apparent que Donatienne et une habitude de s'exprimer sur toute chose impertinemment. Donatienne les écoutait volontiers. D'autant mieux qu'on lui disait, la voyant facile à persuader, « Savez-vous que vous êtes jolie, la Bretonne, avec vos rubans de nourrice sur votre coiffe de ploëc ? Quand vous passez, tout le monde se retourne. » Elle ne le savait que trop. Les femmes le lui disaient pour se faire bien voir, ce dont on a besoin parmi les domestiques peu scrupuleux, et aussi parce qu'elle gagnait de gros gages. Les hommes encore mieux le lui faisaient entendre, et les choses elles-mêmes s'unissaient pour la perdre. Elle était si jeune, si légère, si vaniteuse et si portée à son plaisir. Le luxe lui paraissait un bonheur. Elle était troublée, grisée, amoindrie chaque jour dans sa défense morale par la vue de l'argent qu'on dépensait autour d'elle, par la caresse de trop d'étoffes fines, de soie, de rubans, de dentelles qu'elle maniait, par l'appel éhonté ou secret qui ne cesse ni jour ni nuit dans les villes et qui prend les rêves après avoir pris les yeux et la mémoire et le cœur devenu si faible. Si faible. En 6 mois, ce travail de perdition était bien avancé. Elle n'écrivait plus à son mari. On la savait mariée à un rustre. Pauvre Louarn. Elle était la première à rire de lui quand on lui demandait, dans les réunions de l'office ou quand il prenait le thé, le soir dans la chambre de la cuisinière, pendant que les maîtres étaient sortis. « C'est vrai, Donatienne, que vous avez bêché la terre et que vous faisiez la moisson ?» Il n'avait donc pas de cœur, ce garçon-là. Je voudrais voir son portrait. Vous l'avez dit, montrez-le. Tous parlaient de la sorte. Les femmes insistaient sur le nombre d'enfants qu'elle avait eus, 3 en 5 ans, et la plaignaient pour ce passé dont elle se fut souvenue quelquefois, sans elle, avec douceur. Les valets de chambre, les cochers, les maîtres d'hôtel, ceux de l'appartement, ceux des autres étages, la courtisaient plus ou moins. Elle leur plaisait par sa fraîcheur, son costume joli, sa hardiesse mêlée de retenue. Elle leur semblait d'une race étrangère. Elle était de bonne race, simplement, imaginative, un peu folle et vaniteuse, et elle riait plus que d'autres, mais elle était plus honnête en réalité, à cause du passé qui avait été meilleur. Elle permettait moins de privauté. Elle était traitée à part aussi, logée dans l'appartement des maîtres, gâtée de cadeaux, comme nourrice, et cela encore la rendait exceptionnelle et l'exposait aux galanteries. Et ce fut à cette époque que le nourrisson mourut, presque subitement, de mal inconnu. Donatienne pleura. Elle eut de la peine et de l'épouvante. Son sort allait changer. Elle se sentait lasse et presque à bout de lait. Quelques jours passèrent. Elle couchait encore près des maîtres, par ménagement pour elle et pour qu'elle eût le temps de faire passer son lait. Madame, un soir, la fit venir. Elle fut bonne. Elle, qui souffrait dans son cœur maternel, elle eut des mots de pitié pour cette autre femme qui avait nourri l'enfant disparu et qu'elle avait comme associée à sa maternité. « Nourrice, » conclut-elle, blonde, pâle, tout en noir. « Nourrice, vous nous restez, n'est-ce pas ? Ce sera une manière de m'acquitter envers vous qui l'avez toujours bien soignée. D'ailleurs, là-bas, chez vos Bretons, après le malheur qui nous atteint, qui sait ce qu'on dirait? Et puis, ma pauvre femme, vous ne devez pas avoir envie de goûter de nouveau à la misère. Si vous voulez être seconde femme de chambre chez moi, je vous garde. Seulement, je ne peux plus vous loger dans l'appartement. Elle croyait sincèrement, cette jeune femme, qu'elle accomplissait un acte de charité. Elle croyait bien faire. Sa pitié mondaine lui représentait la misère comme le pire des maux. Il lui fallut qu'elle fût sainte pour penser autrement. Elle ignorait d'ailleurs à peu près ce que devenaient ses domestiques là-haut après 10 heures du soir. Elle n'avait pas plus que d'autres le pouvoir de le connaître, et il était très vrai que la place manquait dans le bel appartement de la rue de Monceau pour loger les domestiques près des maîtres. La faute était à l'habitude, à l'architecte, aux propriétaires, aux voisins, qui avaient fait semblablement, au prix des terrains, aux revenus qui ne permettaient pas un hôtel, aux distances d'ignorance, de défiance et de haine, à l'insécurité des relations, à leur fragilité entre les serviteurs et les maîtres, à l'idée funeste que chacun n'est responsable que de soi, à la jeunesse de cette femme de 25 ans qui n'avait pas le temps de songer à ces choses et à qui sa mère ne les avait pas dites, et Donatienne fut perdue. Donatienne connut le couloir taché du 6e, les mansardes séparées par des cloisons percées de trous qu'on bouche avec du papier, les rires, les conversations louches, les obsessions, les coups à la porte, la nuit, quand les hommes rentraient du théâtre ou du café, les conciliabules, les parties qui se formaient, les jalousies, les portes qui s'entr'ouvraient à un signal convenu, l'appel des sonnettes électriques qui faisait jurer 10 hommes et descendre une femme, et les réceptions sous le toit qui commençaient comme celles d'en bas, moins le décor, et qui finissaient crapuleusement. Donatienne, moins qu'une autre, pouvait échapper. Elle devint la maîtresse d'un valet de pied, très joli homme, connu pour ses bonnes fortunes, insolent sous la livrée, jugeant le monde qu'il servait avec l'assurance et la richesse d'information d'un homme de 28 ans, qui comptait déjà 15 ans de service à Paris et dans tous les mondes. Il fut très fier de sa conquête. Donatienne recevait en ce temps-là les lettres suppliantes auxquelles elle ne répondait pas, les lettres où Loire annonçait la prochaine vente de leur mobilier là-bas. Elle n'y crut pas. Son amant lui dit « C'est pour te ravoir ou te faire chanter ». Elle n'envoya pas son argent. Elle ne partit pas pour sauver la closerie de Rogrignon. Les 2 dernières lettres même ne lui furent pas remises, et on put dire « Tu vois, s'il t'oublie, et quelle blague c'était ton ménage de Bretonne, ils n'écrivent même plus ». Vers le même temps, chose étrange, elle demanda à quitter la coiffe de son pays. À présent qu'elle n'était plus nourrice, qu'elle sortait moins et qu'elle ne faisait plus partie du luxe extérieur de la maison, peu importait. Elle enleva donc les 2 bandes de mousseline qui étaient roulées, gaufrées, orientées à la mode du pays de Ploëc. Elle plia l'étoffe, 3 coiffes en tout, et les serra avec sa robe de grosse laine à 1000 plis, ne les porta plus. Elle eut des chapeaux. Elle ondula ses cheveux et les releva. Elle fut semblable à la multitude. Cela changea Donatienne. Il fallait être observateur pour reconnaître la Bretagne dans cette petite femme de chambre délurée, fine, les yeux brillants, qui avait le rire si nerveux et le sourire si triste. L'été passa. Rogrignon fut abandonné et elle n'en sut rien. Elle pensait souvent aux enfants et elle aurait voulu avoir de leurs nouvelles. Le remords aussi la tenait par moments. Elle avait été pieuse dans sa toute petite jeunesse. Il lui restait un fond de croyance, il savait que sa vie était mauvaise. Seulement les réflexions qu'elle faisait n'étaient ni longues ni fréquentes. Là-bas, dans le pays pauvre, pour se garder ou se ressaisir, elle aurait eu les fêtes religieuses avec les pratiques de dévotion qu'elle amène, la grand-messe et le serment du curé de Ploëc, les missions, les baptêmes, les glas funèbres, les angélus sonnés par les cloches, tout l'air qui prie 3 fois le jour. Elle aurait eu l'exemple des anciennes de la paroisse, qui venaient quelquefois visiter la closerie, et qui étaient un peu sentencieuses et radoteuses, mais qui laissaient après elle un désir de bien vivre. À Paris, elle n'avait rien de tout cela. Une messe basse, quand madame se souvenait, qu'elle indiquait l'heure et qu'elle pouvait contrôler. Septembre vint. Elle était aux environs de Paris, dans un château, et il n'avait pas changé de vie. Mais l'inquiétude de ne plus recevoir de nouvelles la torturait. Il lui fit enfreindre l'ordre de son amant. Elle écrivit à Mademoiselle Noémie Loirne, closerie de Rogrignon, en Ploëc, Bretagne, et elle demandait comment chacun se portait. 8 jours passèrent, sans réponse. Elle pensa que Loirne avait appris ce qu'elle était devenue. Elle accusa son mari d'avoir empêché Noémie de répondre. Pour le savoir, elle écrivit à cette fille qu'elle avait elle-même choisie pour faire le ménage et soigner les enfants. Elle demanda à Annette Domerc pourquoi se taise-t-il. Cette fois, elle reçut la réponse, sans retard et brutale. Vous ne savez donc pas que tout est vendu? Il n'y a plus de chez vous. Votre homme est parti. Il a pris la route de Vendée et il a emmené les enfants. Parti? Emmené? Où était-il? Personne ne put le dire, ni le maire, ni le curé, ni l'abbé Hourtier, qui n'avait reçu aucune lettre de Louarn. Alors Donatienne fut prise de désespoir. Elle eut une douleur passionnée et violente. Elle rompit avec son amant qu'elle accusa, sans le savoir, mais sans se tromper non plus, d'avoir supprimé les dernières lettres de Louarn. Elle refusa de manger. Elle pleura toute une semaine, ne cessant de répéter « Noémie, Lucienne, Joël !» On voulut bien la supporter parce qu'elle était adroite, vive dans le service, et qu'elle avait été la nourrice du petit mort. Mais bientôt sa santé déclina, et un après-midi de novembre, elle fut conduite à l'hôpital en toute hâte. Le médecin avait reconnu une fièvre muqueuse. 3 jours plus tard, la jeune femme qu'elle avait servie envoya prendre de ses nouvelles et dit à quelques amis, réunis avant le dîner, « Cette petite que j'avais, vous vous souvenez, la bretonne, eh bien elle est très mal. » Elle a eu 41 degrés le lendemain de son départ d'ici. Elle était gentille, n'est-ce pas? Et puis très sage, très bonne mère. C'est même de trop aimer ses enfants qu'elle meurt. Un mari ivrogne, probablement, qui les emmenait au loin et qui la laisse sans nouvelles. Triste, n'est-ce pas? Donatienne faillit mourir, en effet. Elle se remit très lentement. Quand elle sortit de l'hôpital, elle était si faible qu'elle n'aurait pu songer à entrer immédiatement en place. Si pauvre qu'elle avait seulement de quoi vivre pendant quelques semaines. Si changée physiquement que la honte l'a prit de retourner rue de Monceau, où la place de seconde femme de chambre n'était plus libre, assurément, mais où elle aurait été aidée de quelque façon, recommandée, adressée à quelque ami en quête d'une très honnête fille. Elle ne voulait pas rencontrer dans cette maison l'homme qu'elle détestait à présent et se montrer à lui et aux autres avec ses tempes presque dégarnies de cheveux, avec ses joues creuses et ses yeux qui étaient devenus légèrement inégaux et qui ne pouvaient fixer les choses sans loucher et chavirer de faiblesse dans l'orbite. Elle se logea en garnie sans trop savoir ce qu'elle ferait, désemparée, comme tant de gens de service au lendemain d'hôpital ou de renvoi. Elle eut des idées de retourner en Bretagne, mais comment aurait-elle trouvé à vivre dans le pays de Ploëc? Quel moyen de gagner dans un coin si pauvre et d'ailleurs si mal disposé pour elle depuis que Louarn était parti? On l'aurait fait souffrir, oui, durement. Elle souffrait tant déjà, et sa mélancolie foncière d'enfant des côtes bretonnes était devenue une douleur si précise. Une tentative qu'elle fit pour se réconcilier avec ses parents, les pêcheurs d'Ifignac, échoua, quand elle eut avoué qu'elle ne rapporterait à la maison aucune économie ni aucun métier. Et la misère recommença de s'approcher. Avant que les forces fussent revenues, Donatienne risqua ses derniers 20 francs dans un bureau de placement, entra dans une nouvelle place, chez une femme du monde qui avait 2 filles à marier. Elle n'y put rester parce qu'il fallait veiller tous les soirs. Le garni la reprit, et le total désespoir, et bientôt la vie mauvaise. Elle ne cherchait plus à plaire et à briller. Elle avait peur de mourir de faim. Alors, sans entraînement, avec moins de résistance que la première fois, fermant les yeux, honteuse et résolue comme si elle se fût jetée dans le fleuve, elle se mit avec un autre homme, selon l'expression populaire, avec un ancien cocher, riche, brutal et buveur, qui se retirait du service et cherchait à acheter un fonds de commerce. Il acheta, comme toujours, un café et chargea Donatienne de faire réussir l'entreprise. Depuis 6 ans, il vivait ainsi maritalement, considéré dans le quartier de Levallois comme mari et femme. Elle s'occupait du ménage et de la cuisine, servait les clients, sauf le matin, pendant 1 heure qu'elle employait à courir le quartier et à acheter des provisions. Elle tenait les comptes. Elle reprisait le linge au moment libre. Le café réussissait, grâce à l'activité de Donatienne, à son esprit d'ordre, à l'espèce d'autorité qu'elle exerçait naturellement autour d'elle, et à l'habitude qu'elle avait et qui séduisait la clientèle du faubourg de toujours parler poliment. Sébastien Larrey, avec lequel elle vivait, ne l'aidait guère. Il était toute la journée dehors, sous prétexte de réapprovisionner les placards et la cave, et même de chercher une place de chauffeur qu'il eût été navré de rencontrer. Il avait mieux, il avait sa retraite, il rentrait ivre 2 fois sur 3. Donatienne le menait parce qu'elle était plus intelligente que lui, mais avant de céder, il la battait parce qu'il était le plus fort. Ils ne s'aimaient pas, ils n'étaient pas dupes l'un de l'autre, mais il n'aurait pas su comment se fuir et comment vivre ensuite. Tout ce soin, toute cette peine, toute cette patience que les mères et les femmes aimées retrouvent en reconnaissance émue dans la tendresse de leurs enfants ou de leurs maris, Donatienne les dépensait sans connaître en retour la douceur d'un remerciement, sans un rêve d'avenir, sans la paix qu'elle n'avait jamais pu fixer en elle. Elle avait essayé d'avoir la paix, ou du moins le silence et le vide dans son âme. Elle s'était appliquée à chasser ses souvenirs de religion et ses reproches de conscience qui renaissaient de plus en plus faibles, comme les rejetons d'une racine coupée au ras de la lumière. Et elle en avait à peu près triomphé. Dans sa vie quotidienne, constamment occupée et amusée, dans le mouvement et le bruit qui l'enveloppaient, elle trouvait des moyens d'écarter l'image importune du passé. Quelquefois seulement, l'irrésistible besoin de tendresse maternelle la saisissait et la brisait et la laissait sans force contre l'approche de tout le reste, contre les choses et les gens qu'elle croyait oublier. Alors elle cherchait à s'étourdir, elle causait avec les clients, elle jouait aux cartes avec eux ou même, confiant à une voisine la garde du café, elle sortait et elle allait, seule ou avec son amant, à travers les rues de Paris, dans la foule. Un des arguments dont elle se servait alors, au plus secret de son cœur, pour combattre de pareils orages, c'était l'impossibilité où elle se trouvait de remplir aucun de ses devoirs qu'elle avait abandonnés, de savoir même si ses enfants et son mari vivaient encore. N'avait-il point succombé, père ou enfant, peut-être tous, à la misère errante, qui est plus dure que l'autre, cette année entière sans nouvelles, cette année? Et voici que subitement, elle apprenait qu'un Joël, un petit de l'âge de son petit et qui venait de Bretagne, avait été aperçu dans la Creuse. Elle ne pouvait savoir si c'était son enfant, mais cela suffisait pour que la trêve fût rompue. L'idée des abandonnés reprenait possession de cet esprit qui avait pu la chasser à moitié. Elle rentrait avec le nom de Joël. Le doute, l'inquiétude, les accusations auxquelles Donatienne ne trouvait plus rien à répondre, tout cela revivait. « Pour rien !» pensait Donatienne en marchant vite dans la brume. « Je me tourmente pour rien !» Est-ce qu'il n'y avait pas que mon enfant à porter ce nom-là en Bretagne? Et puisque le maçon a vu deux garçons et une fille dans le courtil entouré de peupliers, ce n'est pas ça. Non, ça ne peut pas être les miens. D'ailleurs, le père, comme je le connaissais, a dû mourir de la peine que je lui ai faite. Mon homme a dû mourir. Les fournisseurs chez lesquels elle passa lui trouvèrent des yeux de rêve, et elle ne s'arrêta point pour causer. « Madame Donatienne a quelque chose, pour sûr, » dirent la boulangère, la marchande de légumes et la pâtissière, une dame véritable, et qui avait une fille que Donatienne regardait toujours à cause de ses yeux compatissants à la vie inconnue. Mais qui pouvait deviner la cause de son trouble? Personne ne devina. Quand reviendrait-il, ce maçon? Pas avant 4 mois. Il avait donné des détails singulièrement voisins de la vérité, avec d'autres qui faisaient douter. Donatienne resta dehors plus longtemps que de coutume. Quand elle rentra, le café était à moitié plein. Bastien Larret était assis dans l'espèce de chaire, protégée par une glace de verre, où elle s'asseyait l'après-midi. Il lui fit un sourire aimable, qu'il ne prodiguait pas, et l'appelant à voix basse, et avec ce clignement d'yeux qui faisait dire dans le quartier « C'est un bon ménage », il lui demanda « Ça t'a paru court, ta sortie ?»« Il est venu du client, comme tu vois. Je l'ai servi à ta place. Es-tu mieux, au moins, après ta promenade ? Non, tu m'en veux encore ? Nous irons ce soir au théâtre, dis. » Le bruit d'un sou frappant le marbre interrompit ce commencement de plaidoyer. Bastien Larret, comme s'il avait donné un ordre, répondit tout haut « Voyez au 15 !» Et il alla lui-même recevoir le prix d'un verre de bière. La jeune femme monta les 2 marches qui conduisaient à l'estrade, et les clients qui la connaissaient l'observèrent, les autres aussi, moins longtemps. Le jour se traîna et finit dans la brume. Les chevaux, devant la porte, glissaient comme par temps de neige. La fumée, rabattue par le vent, plongeait en tourbillon dilué et reconnaissable jusqu'à la hauteur des vitres, et c'était elle que regardait Donatienne quand elle relevait la tête de dessus son livre de comptes. Elle se disait « Ce n'est pas cela que j'aurais dû lui dire à ce maçon de la Creuse qui est venu ce matin. J'aurais dû le questionner davantage. Où le retrouver à présent ?» Le trouble et le tourment s'étaient mis dans son cœur. Comment n'avait-elle pas insisté Pour avoir le nom du village où habitait Joël ou d'un village voisin, elle aurait crié aux enfants. La surprise, l'émotion, la rapide désillusion l'avaient empêchée de faire ce qu'il aurait fallu. Mais non, est-ce qu'elle pouvait écrire aux enfants? Qu'aurait-elle dit? Quelle excuse pour les avoir abandonnés? Et s'ils vivaient? Si c'était la Noémie et Joël, n'aurait-il pas eu la tentation ou l'ordre de lui répondre durement comme à une mère indigne? Oh non, pas de lettre. C'était bien comme cela, tout compte fait. Mais il fallait attendre, des mois. Et après, quand elle aurait beaucoup souffert de cette attente, qu'apprendrait-elle? Peut-être rien. Cet homme n'était-il pas un imposteur, un mauvais plaisant, envoyé par quelqu'un qui savait qu'elle avait été mariée et qui voulait lui faire avouer le crime de sa vie? Cependant, il avait l'air très simple. Il n'avait ri à aucun moment. Il semblait même un brave homme, sauf peut-être cette audace qu'ils ont avec les femmes comme elle, un peu jeune et jolie encore. Lasse infiniment, elle songeait. « Je voudrais que cela fût vrai. Dussé-je être privée d'eux toujours? Je voudrais savoir qu'ils vivent, qu'ils sont beaux et où ils sont. »